Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de Classical Diz. Est-ce que vous connaissez un groupe qui a eu une influence énorme sur Queen, Dire Straits, Pink Floyd, les Who, Santana, Led Zepp, Eric Clapton, Indochine ou encore Laurent Voulzy? Il y en a un, c'est les Shadows. Avec deux guitares, une basse et une batterie, les cinq Anglais créèrent le premier groupe de rock européen. Le guitariste et principal auteur des musiques du groupe se nomme Hank Marvin. Il popularisa la fameuse guitare de la marque Fender. Les Shadows possèdent un son reconnaissable entre mille et composent principalement des chansons instrumentales. Ils collaborèrent très rapidement avec le Elvis Presley de l'Angleterre, Cliff Richard. Dans les années 60, les Shadows connaissent leur plus belle période. On ne compte plus les tubes du groupe et les 45 tours vendus. Les seuls qui ont été capables de les détrôner au hit parade sont les Beatles. Il n'en demeure pas moins dans les années 70 où chaque album est certifié disque d'or et fait exploser les ventes. On compte dans leur carrière deux séparations, une brève au début des années 70, puis une durant les années 90, période durant laquelle moult compilations paraissent. Il ne faut pas s'en priver au vu de leur incommensurable tube. Aux côtés de Hank Marvin, on retrouve Bruce Welch, lui aussi guitariste et très influent pour les musicos issus du baby boom. Brian Bennett est leur fidèle batteur, qui est arrivé quelque temps après la création du groupe. Quant à la basse, elle a souvent changé de propriétaire. À ce jour, c'est Mark Griffiths qui en est le maître. Il est intéressant de savoir que c'est ce groupe, précurseur du rock et créateur de hits, qui plus tard s'amusera à reprendre les morceaux de ses disciples. On peut citer Parisian Walkways de Gary Moore ou encore A Whiter Shade of Pale de Procol Harum. Si vous aimez un son classique de guitare électrique qui fait très années 50, à l'esprit parfois western, et qui pose les bases de la pop-rock, écoutez les Shadows. Si vous tenez aux paroles, passez votre chemin. Quoique, chez les Shadows, c'est la guitare qui s'exprime. Je n'ai pas pour habitude de dire ça, mais pour ce groupe, privilégiez une bonne compilation plutôt qu'un album en particulier. Ce sera très bien comme ça. Passons donc au morceau coup de cœur. Je vais commencer avec une reprise d'un célèbre morceau datant de 1948, très typé country et cowboy. Il s'agit de Riders in the Sky. Les Shadows se sont très bien appropriés ce classique en conservant leur son si identifiable de guitare. La reprise datant de 1980, on reconnaît aisément l'influence du disco par la forte présence de la basse, mais aussi par des effets sonores typiques du disco, comme ces fameux... Il s'agit donc de Riders in the Sky. Ensuite, j'ai choisi le morceau Shadoogie, morceau type du rock'n'roll. On retrouve cette structure commune à tous les morceaux de rockabilly. Ça fonctionne toujours pareil, mais ça marche toujours aussi bien avec moi. Que voulez-vous? Alors écoutez Elvis, écoutez Cliff Richard, écoutez les Stray Cats, écoutez Jerry Lee Lewis, écoutez Shadoogie. We'll be right back. profite de mon dernier coup de cœur pour caler un peu de cinéma dans ma chronique, parce que c'est aussi cool que la musique le ciné. En effet, les Shadows, parmi leurs reprises, ont joué la musique du film Voyage au bout de l'enfer, le plus beau et triste film de tous les temps avec la plus mélancolique et belle des mélodies. Quoi de plus ? La musique originale est de Stanley Myers et la version des Shadows s'intitule Theme from the Deer Hunter, qui est en fait le titre anglais du film. Je vous laisse pleurer. On va se quitter sur une note plus positive, quand même, et notamment avec le morceau Apache, sorti en 1960, qui est sûrement le plus gros tube des Shadows. Alors je vous souhaite une très bonne écoute, et à bientôt sur RGR.